Section 44 de la lecture, tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 3e. Section 44. Un vieux, par Pierre Loti. Chapitre 2. Il se souvenait d'avoir été jeune. Ce temps-là avait existé bien réellement. Il lui en revenait quelquefois des visions confuses qui dilataient ses yeux morts. Mais sous la tension de son esprit, qui voulait les ressaisir, tout de suite elle se dérobait en s'éteignant, et ses efforts de sa vieille mémoire laissaient après, dans sa tête vidée, comme l'impression physique d'une douleur. De même, au réveil, on s'étonne de retrouver tout à coup une image échappée d'un rêve qu'on avait fait la nuit. On cherche à la fixer, à la relier à d'autres pour recomposer une suite qui devait avoir un charme très étrange. Mais au contraire, plus vite elle s'efface, insaisissable, laissant dans l'esprit un vide, une sorte de mystérieux trou noir. Fin de la section 44, lue par Margot.